yeah. Avec la race d'un barbare, je suis prêt à affronter la vie. J'ai atterri dans ce monde et on n'a pas demandé mon avis. Mais c'est la vie, j'essaie de vivre tranquille dans mon navire. C'est de pire en pire, le mal a le sourire et ça s'empire. Et ça tire de partout, des bâtons dans les roues et des bastos dans les jambes pour faire tomber l'entourage dans le trou. Et on est tous bourrés, la vie nous a désarmés. Dur de démarrer dans la vie, s'il y a plus de batterie dans la tête. Fatigué d'entendre des disquettes et des disquettes. Raconte-moi pas ta vie, si entre moi et toi y'a pas de respect. Et mon pote, espère pas que je fermerai ma gueule si t'es de taille. Écoute ce putain de freestyle dans tes putain de baf. Ici mec, on est grillé, nos couleurs sont fichées. L'état veut nous noyer et les keufs veulent nous fumer. Je suis né ici, mais pour eux je suis étranger. On nous méprise pourtant, on essaie tous de se ranger. Ils veulent notre liberté, ça se passera pas comme ça. Ils veulent la guerre, on va la faire avec la rage d'un barbare. Dans tous les quartiers, les caves sont armés, chargés. On n'a pas de colonel, on est des soldats affamés. Tu connais bien mon place, c'est bim sans ticket. Bah ramasse tes couilles racistes, face à moi t'es l'op ça. Tu peux barrer la route, j'arriverai toujours en masse. Je défoncerai les barrages avec un beat et un mic. Je marque mon blaze, partout je passe c'est mister. Bim bim, coup d'éclat dans ta face, j'ai trop la rage. Pleure pas face aux épreuves de la vie, nos visions sont éphémères. Garde la foi, sois dans le bim. Faut pas que t'oublies, t'as un but dans la vie. Écoute ton cœur et laissez parler ceux qui t'envient. Faut jamais baisser la tête si t'as un souci. Lève tes mains vers le ciel, pense à Dieu et à ta famille. Écoute mon son et tu verras la rage qui court dans mes veines. J'ai trop de peine à écrire, j'ai trop galéré dans la mer. Y'a personne qui m'aide quand c'est la dèche. Tu peux garder ton hypocrisie et tes conseils de merde. J'ai voulu la faire à l'envers et la vie m'a mis une baffe. J'ai compris le retour de flamme, le bas monde c'est une cave. Arrête ta flûte ma petite, tu connais rien à la vie. T'as rien vu encore, reste cool et respecte ton famille. Écoute ma cassette, flow zèvre, capuche baissée. Faut des thunes pour rouler en classe C ou en série 7. Ma génération part en couille avec la crête. Mes frères font partir les barrettes, c'est la galère à la thèse mec. Ici ça tourne pas rond, quand ça souffle au ballon. C'est de l'huile d'alcool dans le sang et un pilon. Y'a personne qui pilote, j'boycotte ces salopes. Y'a plus de potes, y'a que des fiottes. Ramène ta prod et dessus j'te fuck. Baisse ton froc ou j'te goum goum. Derrière la porte c'est bim bam boum. Et t'es plus à la mode, c'est moi le capitaine. Sur le beat t'es allumé, bim c'est toujours le même. Ton son j'l'ai décapité. Mentalité à l'ancienne, j'reste vrai, viens pas me tester. C'est pas la peine de rivaliser mec. J'suis équipé, j'suis équipé, équipé. J'suis équipé, équipé. J'suis équipé, équipé. J'suis équipé. Ok, j'suis équipé, équipé. J'récapitule, c'est Bims antipute, ghetto attitude. Ok, c'est Bims. Mets ta capuche.